Plutôt, pas tous, des extraterrestres ou des ex-extraterrestres qu'on est devenus humains. Et finalement, je me disais, ouais, c'est vrai, ça peut être faux, mais peut-être que Daniel a quelque chose à nous raconter sur la question des différentes dimensions. Est-ce qu'il va aborder le sujet du côté de l'homme par rapport à l'homme? Est-ce qu'il va aborder le sujet par rapport à l'extraterrestre ou d'une façon plutôt globale? L'homme nouveau qu'est Daniel Kemp, c'est le seul à avoir abordé ce sujet d'une façon complètement différente, originale, d'une façon intelligente, qui ne peut pas se comparer à tout ce qui s'est fait à venir jusqu'ici au niveau des explications concernant les extraterrestres. Alors, pour en savoir un peu plus, parce qu'on a déjà parlé des extraterrestres, on ne peut faire mieux que d'accueillir Daniel Kemp. Alors, Daniel, on se sent-tu dans l'âme d'un extraterrestre ou d'un ex-extraterrestre? Bonsoir Daniel. Ça va? Alors commençons. Es-tu un extraterrestre? Ça commence bien. Des manipulations, là. Bon. Ça me regarde. Dans le phénomène de l'extraterrestrialité, donc de tous les mécanismes qui sont extraterrestres, ce qu'il y a d'intéressant du point de vue de l'homme, donc du point de vue du terrien, c'est que il y a beaucoup d'individus sur le plan planétaire qui ont une conscience suffisamment grande pour pouvoir englober au moins l'existence même de l'humain sur cette planète. Parce qu'il ne faut pas penser que tous les humains de la planète ont une conscience leur permettant d'envisager la vie extraterrestre. Mais parmi les humains qui ont la possibilité d'avoir une conscience leur permettant d'envisager la vie extraterrestre, il y a encore beaucoup d'humains qui sont absolument convaincus que le phénomène extraterrestre n'existe pas. Si nous ne pouvons pas immédiatement prouver que l'extraterrestre existe, on ne peut pas prouver que ça n'existe pas. Et le problème de la science moderne comme de la théologie, c'est que si on n'arrive pas à prouver que le phénomène extraterrestre existe, on sait qu'on n'arrivera jamais à prouver qu'il n'existe pas. Pour pouvoir prouver que le phénomène extraterrestre n'existe pas, il faudrait connaître toute la création de fond en comble, ce qui, présentement, n'est pas du domaine du possible par rapport à l'humain ni à la théologie. Alors, les personnes, il y a déjà de toute façon quelques personnes qui sont venues ce soir à la conférence et qui ne croient pas du tout au phénomène extraterrestre. J'ai eu quelques téléphones cette semaine de certains recherchistes de radio qui me demandaient de quoi j'allais parler. Alors, on enquêtait déjà pour savoir si on démolissait en ondes ou si on n'en parlait pas. Alors, je leur ai répondu que j'étais pour mettre les gens en garde contre le phénomène extraterrestre et ça leur a plu, alors ils n'en ont pas trop parlé. C'est intéressant de constater que l'homme est capable d'envisager, parce qu'il n'a pas le choix de devoir l'envisager, le fait que lui existe. Et si l'homme est capable d'envisager le fait que lui existe, que lui pense, que lui est différent du requin, du dauphin, des autres animaux, que lui est capable d'adapter l'extérieur, tandis que l'animal s'adapte à l'extérieur, tandis que l'humain est capable de vivre de théologie, de vivre de sciences cartésiennes, de réfléchir, d'avoir des émotions, d'aimer, d'haïr, de faire la guerre, de vouloir conquérir la création. Parmi ces hommes, il y en a encore qui refusent obstinément la possibilité d'une vie extraterrestre. Et il y a évidemment l'antipode. L'humanité étant dans un monde duel, où il y a le bon et le mauvais, où il y a le loin et le près, il y a l'antipode, il y a ceux qui sont convaincus qu'il y a le phénomène extraterrestre, ils sont convaincus à un point tel qu'à chaque fois qu'une nouveauté est amenée sur le, disons, sur le plan de l'information OVNI, ils le gobent sans réfléchir. Alors, on a des individus qui ont été enlevés apparemment par le phénomène OVNI. On a des individus qui apparemment ont été contactés par le phénomène extraterrestre et ils ont été missionnés sur le plan terrestre pour accomplir certaines choses. Que ce soit l'instauration d'une ambassade extraterrestre, que ce soit l'instauration d'une guerre à l'échelle de la planète, que ce soit l'instauration de mouvements pacifiques, l'écriture de certains livres, il y a des gens qui sont apparemment missionnés par les extraterrestres. Et lorsqu'un individu faisant partie du clan de l'humanité qui croit inconditionnellement aux extraterrestres entend parler de ces choses, il les accepte sans réfléchir. Ça suppose, ça sous-entend ce que tu viens de dire, qu'il peut y en avoir des bons, puis peut-être en avoir des mauvais. Bon, premièrement, on sait que l'humain est bon et mauvais, et que selon l'interprétation que va faire l'humain d'une chose, la chose deviendra bonne ou mauvaise. C'est le même phénomène pour l'extraterrestre. Est-ce que, de prime abord, il y a un phénomène extraterrestre bon ou mauvais? De toute façon, même s'il y aurait un phénomène extraterrestre neutre, par rapport à l'humain, une partie de l'humanité en ferait un phénomène mauvais, et une partie en ferait un phénomène bon. C'est un peu comme guérir les maladies. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Si tu as la Bible en dessous du bras quand tu guéris, c'est Dieu. Si tu ne l'as pas, c'est Satan. Alors que tu es possiblement neutre, tu as simplement un degré d'énergie vitale ou un corps vital suffisamment énergisé pour pouvoir, disons, ajuster le corps vital des personnes malades de façon à leur donner la santé. Le phénomène extraterrestre est aussi, a toujours été catalogué comme étant l'apparition matérielle de corporalité, donc d'être extraterrestre ayant un corps comme le nôtre, avec des différences, un corps humanoïde, disons, ressemblant au nôtre, avec quelques différences. Le problème, c'est que pour comprendre le phénomène extraterrestre, on va devoir l'envisager d'une autre façon. Et c'est là que, disons, commence l'inédit par rapport au phénomène extraterrestre. C'est que le phénomène extraterrestre existe, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'existence à l'extérieur de notre planète. De toute façon, il y a de l'existence matérielle, c'est-à-dire qu'il y a d'autres planètes, il y a d'autres soleils, il y a d'autres formes que les soleils. Il y a donc de l'existence matérielle au-delà de la planète Terre. Il y a le phénomène matériel extraterrestre. Si le phénomène planétaire matériel a su engendrer différentes formes de vie, évidemment, on peut penser que le phénomène extraterrestre matériel a su lui aussi engendrer sa forme de vie. Maintenant, le problème de l'humain, c'est qu'il connaît les autres familles à partir de sa famille. C'est qu'il connaît les autres villes en comparant ces autres villes à sa ville. C'est qu'il connaît les autres provinces en les comparant à sa province. C'est qu'il connaît les autres pays en les comparant à son pays. Alors, il devra connaître les autres mondes en les comparant à son monde. Et c'est une lacune fondamentale du phénomène de l'homme ancien, c'est-à-dire de l'assujettissement à la connaissance, donc au monde des mémoires, qui empêche l'homme ancien de vivre l'instantanéité de façon à connaître une autre ville à partir de cette ville et non pas par comparaison à la sienne. Lorsque l'être humain envisage le phénomène extraterrestre, il ne peut faire autrement que de l'envisager à partir d'un parallélisme avec lui-même. Donc, s'il y a un phénomène extraterrestre, c'est que ces êtres doivent habiter des planètes comme l'humain habite des planètes. C'est que ces êtres doivent vivre dans des villes comme l'humain vit dans des villes. C'est que ces êtres doivent avoir une religion, une science comme l'homme en a une. C'est que ces êtres doivent aimer ou haïr. Y a-t-il des guerres entre les extraterrestres? Parce qu'il y en a entre les humains. Quel genre de corps ont les extraterrestres? Parce que l'humain a un corps. Quels sont les animaux qui vivent sur les planètes extraterrestres? Parce que sur la planète Terre, il y a des animaux. Ce qui fait que si le phénomène extraterrestre n'a absolument rien à voir avec le phénomène humain, l'homme verra continuellement cette connaissance, cette science extraterrestre lui échapper. Il faut comprendre une chose, c'est que l'évolution de notre planète est une évolution privilégiée et particulière. Cela veut dire que ce qui se passe sur le plan planétaire ne se passe pas ailleurs dans la galaxie et ne se passe pas ailleurs dans la création. Qu'est-ce qui peut me permettre de dire cela? Ça n'a aucune importance. Une chose est certaine, c'est que si l'humain continue toujours à envisager les mondes extérieurs à partir de son monde à lui, il risque de passer complètement à côté de la traque. Alors, lorsqu'on envoie un vaisseau spatial non habité, avec gravé sur une plaque d'or un homme, une femme, le système solaire et la situation de la planète Terre, de façon à ce que, et c'est la NASA qui a envoyé ce vaisseau, de façon à ce qu'à un moment donné, si un extraterrestre ou un phénomène extraterrestre intercepte ce vaisseau, il puisse savoir de quelle planète il a été envoyé. Mais on n'a pas eu de réponse. Alors, le phénomène extraterrestre, on doit l'envisager d'une façon tout à fait nouvelle, et non pas comme on l'a toujours envisagé. Cela demande de la part de ceux qui écoutent, évidemment, de non pas d'oublier ce qu'ils ont appris, mais de faire abstinence à leur mémoire le temps de cette soirée, de façon à ne pas continuellement mélanger ce qu'ils ont appris, ce qu'ils veulent se voir confirmer, ce qu'ils veulent apprendre avec ce que je vais dire. La semaine dernière, une personne a été frustrée parce que j'ai dit que la majorité des phénomènes extraterrestres étaient des phénomènes d'involution. La personne a été frustrée. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est en contact, et évidemment, si elle est en contact, intelligente comme elle est, les extraterrestres qui sont en contact avec elle ne peuvent faire autrement qu'être bons, sinon elle l'aurait su. Mais l'illusion, on le sait, habite la conscience de l'homme. Il y a bien des choses que l'humain pense correctes, et qui, après quelques années, apparaît comme étant incorrect. J'ai dit souvent que l'humanité était constituée d'hommes de bonne volonté. L'humain veut faire le bien, mais il le fait mal, ce qui engendre des problèmes de notre planète. Alors, lorsque nous parlons d'un contact extraterrestre, et parce que notre conception extraterrestre fait qu'automatiquement ils sont bons, qu'automatiquement ils vont venir sauver l'humanité, qu'automatiquement ils vont empêcher l'apocalypse, qu'automatiquement ceci ou cela, quel que soit le phénomène qui va entrer en contact avec nous, on va se mettre à genoux devant et puis on va dire c'est bon, c'est fait. Il y en a qui au nom de Dieu font des guerres, il y en a qui au nom de Dieu tuent leurs femmes, leurs enfants ou leurs maris, il y en a qui au nom de Dieu rentrent dans des magasins et abattent la majorité des gens qu'il y a dedans. Et il y en a qui au nom de Dieu font la paix, sauvent les gens. Et c'est toujours au nom de Dieu. Lorsque l'on pense que le premier contact venu c'est quelque chose de bon, et si la chose est mauvaise et qu'on a une foi aveugle, on ne s'en sort pas. Alors, il faut comprendre ceci. Nous savons maintenant, depuis déjà quelques années, que la matière est constituée d'atomes, les atomes étant constitués d'électrons, de neutrons et de protons, en gros. Nous savons maintenant que les neutrons, les électrons et les protons sont constitués d'une forme énergétique particulière, donc ils sont divisibles. Et nous savons aussi que, une fois divisés, ils émettent une forme d'énergie. Si on fait juste, fissurer un noyau d'atomes, on émet de l'énergie qui est de l'énergie radioactive, de l'énergie lumineuse, de l'énergie calorifique, et évidemment une énergie de choc et une énergie sonore. Nous savons donc que la matière est constituée et d'énergie radioactive, c'est-à-dire de rayonnement, de lumière, de son, de puissance, l'onde de choc, et de chaleur. Cela veut dire que si nous prenons de l'uranium, nous le plaçons dans une bombe thermonucléaire et que nous la faisons exploser, la matière uranium va être transformée en chaleur, en son, en lumière, en radioactivité, etc. Et il ne restera plus rien de cette bombe. La matière est constituée physiquement, scientifiquement de ces choses. Mais il se trouve aussi que partout dans l'univers, nous retrouvons et de la radiation, donc du rayonnement, et de la lumière, et du son, et de la chaleur, de ce genre de choses. Et on sait aussi scientifiquement aujourd'hui que la lumière est un rayonnement qui transporte des photons. Et on ne connaît pas encore la nature du photon. On verra plus tard que la nature du photon est similaire à ce qui constitue le neutron, le proton, l'électron, d'une nature quelque peu différente. On sait maintenant que la chaleur fonctionne par rayonnement. La chaleur doit rayonner. Que le son marche sur une longueur d'onde, donc qu'il rayonne lui aussi. Alors on sait que tout ce qui constitue la matière se retrouve partout dans l'univers, même si ces choses n'ont pas été matérialisées. Cela veut simplement dire qu'il y a effectivement de la lumière dans l'espace. Cette lumière, si elle est arrêtée par la planète Terre, devient de la lumière. Si le rayon calorifique est arrêté par la Terre, ça devient de la chaleur, et c'est le soleil qui va l'émettre. On sait que partout dans l'univers, il y a des quasars, il y a des nuages de poussière cosmique qui vont engendrer des soleils. Ces soleils vont vivre quelques milliards d'années pour finalement soit exploser, soit s'éteindre par autocombustion, redevenir de la poussière solaire, disons stellaire, cosmique, pour lentement réengendrer un soleil, et le cycle n'arrête pas. Alors, le phénomène extraterrestre, il faut le comprendre à partir de cette mécanicité qui, peut-être, pour beaucoup de gens, paraît extrêmement grandiose. L'extraterrestre, c'est mauditement plus fun, drôlement plus simple, si c'est un petit bonhomme vert avec des antennes, ou quelqu'un qui a un vaisseau spatial qui vient de parler, sacrebleu, l'extraterrestre est rendu que c'est du neutron, c'est du proton, c'est bon. Oui, on peut conceptualiser le phénomène extraterrestre comme on peut conceptualiser Dieu, le dessiner avec une peau noire, par exemple, et dire que Dieu est noir. On peut le dessiner avec une peau blanche, chez les blancs, et dire que Dieu est blanc. Mais c'est plus compliqué que ça. Et quand on veut prier une icône, ben évidemment, on met notre énergie dans l'icône, puis on rejoint absolument rien de la réalité. Notre planète Terre est constituée d'un rayonnement de différents ordres, donc d'une vibration de différents niveaux, qui va constituer tout ce que vous connaissez, y compris vous-même. Ça va constituer votre corps vital qui va animer votre corps physique, ce que l'être humain appelle la vie. Ça va constituer votre corps astral qui est, comme tel, le résumé de votre psychologie, c'est-à-dire des mémoires, des désirs et des émotions. La religion, la théologie va appeler ça l'âme. Disons, l'ésotérisme va appeler ça le corps astral. Et la science va essayer d'appeler ça psychologie de science qui étudie l'âme. Psychose voulant dire âme. Et on a aussi une autre vibration qui est le corps mental, qui porte scientifiquement ou psychologiquement le nom d'intellect, mais qui peut se développer au-delà de ce phénomène intellectuel. Et qui, au niveau de la théologie, porte le nom d'intelligence. Maintenant, on peut comprendre que l'intelligence de l'homme est une intelligence qui est reliée à ses mémoires. Ce n'est pas de l'intelligence pure. J'appelle donc l'intelligence de l'homme de l'intellectuance, parce qu'elle fait référence à ses mémoires. Vous ne pouvez pas penser en hébreu si vous n'avez pas appris l'hébreu. Votre pensée est donc tributaire de ce que vous connaissez. Vous ne pouvez pas penser astronaval parce que vous ne connaissez pas l'astronaval. Votre pensée est donc limitée par ce que vous avez mémorisé. Et il y a à un moment donné ce que la théologie appelle l'Esprit Saint, ce que la science ne connaît pas. Ou la science appelle ça l'illumination, ou Eureka, ce que j'appelle l'intelligence instantanée, qui là vous permet de savoir des choses sans que vous ayez eu à les apprendre. Et ça, c'est intelligent. L'être humain est constitué de différentes formes de vibrations et aggloméré dans un contexte spatio-temporel qui est le véhicule spatial qui porte le nom de Terre. Ça constitue tout ce que vous connaissez sur l'échelle de notre planète, et entre autres l'homme. Mais de faire référence à la Terre pour connaître les autres mondes, c'est se tromper, parce que chaque planète et chaque soleil voyagent dans un espace-temps tout à fait différent du nôtre, et même si en apparence nous pouvons constater sa présence, à l'œil nu, on voit les étoiles, on voit de temps en temps certaines de nos planètes, au télescope évidemment on peut voir d'autres galaxies, on peut constater leur présence, cela ne veut pas dire que leur consistance et que leur évolution est similaire à la nôtre. Le phénomène extraterrestre, on va parler de nos théories, disons, on va conceptualiser qu'est-ce que pourrait être une planète sur laquelle vivraient des extraterrestres. Donc, je vais faire une démarche tout à fait scientifique, et non pas théologique, pour expliquer de quelle façon on devrait, à partir de maintenant, entrevoir, conceptualiser le phénomène extraterrestre. Alors, on a une planète qui n'a pas la même vibration que la nôtre. Notre planète est située dans un espace-temps qui est extrêmement densifié, qui est extrêmement limité par le temps. Alors, tout devient extrêmement dense. Sur une planète d'un autre système dimensionnel, donc une planète qui n'est pas la Terre, donc un phénomène extraterrestre, parce qu'être extraterrestre veut simplement dire extérieur à la Terre, hors de notre système solaire, parce qu'il faut comprendre que la vibration des planètes est régie par la vibration du Soleil, donc de chaque système planétaire est régie par son Soleil, ou par ses deux Soleils, parce qu'on a des Soleils jumeaux, qui vont éclairer des systèmes planétaires. Et notre Soleil a près de 6 milliards d'années d'existence et il va encore vivre quelques 5 à 6 milliards d'années. Nous sommes dans une partie de notre galaxie très particulière. Notre galaxie porte le nom de Voie lactée et nous avons une consistance vibratoire qui est celle que nous connaissons. Lorsque l'extraterrestre est, disons, concrétisé à l'échelle d'une autre planète, il faut comprendre que leur corps physique n'est pas ce que vous connaissez comme corps physique, c'est-à-dire qu'il n'en a pas la densité. Que si l'extraterrestre veut inventer une science, il ne peut. Premièrement, les extraterrestres n'ont pas de religion. Ils n'ont pas de système religieux pour la simple raison qu'ils n'ont pas eu à perdre, de par leur cheminement vibratoire, ils n'ont pas eu à perdre la conscience de leur création, donc la conscience de leur être-té, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de conceptualiser cette création, donc de créer des créateurs pour essayer de remplacer pendant le temps ou la période d'inconscience le manque de connaissances. L'humain ayant tout à fait perdu la mémoire de sa provenance a donc essayé de reconstituer cette provenance et c'est ce qui a donné naissance à différentes théologies à l'échelle de notre planète. Chaque religion ou chaque théologie est la copie plus ou moins colorée par l'émotion de l'homme, plus ou moins colorée par la mémoire de l'homme, d'une chose réelle mais qui échappe à la conscience de l'homme. Et c'est vers cette connaissance ou c'est vers ce savoir que l'humain se dirige. J'expliquais dans d'autres conférences que lorsqu'un véhicule ou lorsqu'un extraterrestre rentre dans notre système spatio-temporel, dans notre contexte planétaire, il a la possibilité d'avoir un véhicule de transport drôlement plus raffiné que les nôtres, plus rapide, qui lui permet de faire des virages à 90 degrés sans apparemment subir de choc, qui lui permet d'accélération folle, qui lui permet aussi même de se dématérialiser. Les rencontres du troisième type, donc on sait que la rencontre du premier type, c'est un contact visuel. Du deuxième type, c'est le contact, disons, la prise de connaissance, de traces laissées par un vaisseau spatial ou par un phénomène extraterrestre. Le troisième type, c'est la rencontre avec contact entre le phénomène extraterrestre et soi-même. Et le quatrième type, c'est le voyage à travers un vaisseau spatial, donc un enlèvement. Lorsque nous avons, depuis que l'humanité est humanité, chaque contact avec le plan extraterrestre a toujours été un contact très limité, un contact qui ne durait pas longtemps dans le temps et dans l'espace, un contact qui ne permettait pas au phénomène extraterrestre de rester sur le plan terrestre, pour la simple raison, et je l'ai expliqué souvent, c'est que les extraterrestres sont d'une vibration supérieure à celle des terriens. Donc, les extraterrestres proviennent de planètes qui n'ont pas la densité de la nôtre, des planètes qui ne sont pas solides, des planètes qui sont donc plutôt nébuleuses, donc disons gazeuses, et liquide. Et évidemment, pour l'humain ne peut pas envisager la possibilité de vivre sur une planète liquide. Mais il faut comprendre qu'ils n'ont pas des corps comme les nôtres. Ils n'ont pas des corps pesants et denses. Lorsque l'extraterrestre partant d'une vibration supérieure à celle de la nôtre invente une science, il ne crée pas à partir d'une matière massive, solide et, disons, bête. Il ne doit pas prendre de la matière et l'intelligencer, c'est-à-dire la transformer pour lentement, en la raffinant, créer une navette spatiale. Lorsque l'être humain crée une navette spatiale, il doit commencer par fouiller sous terre dans des mines, ramasser un minerai sale, impur, le purifier et lentement tout transformer jusqu'à ce qu'il arrive à cette conception d'une navette spatiale avec plusieurs ordinateurs, avec une panoplie de choses. Tandis que l'extraterrestre partant d'une planète et d'une vibration beaucoup plus haute que celle de la Terre, lui ne doit pas partir d'en bas pour grimper sa science, mais il ne doit que partir d'en haut pour descendre sa science. Ce qui est beaucoup plus facile pour l'extraterrestre, de partir d'en haut, descendre une science, inventer quelque chose qui peut lui permettre de, disons, d'apparaître dans des continuums spatio-temporels comme la Terre. Et évidemment, il a une science mauditement plus avancée que la nôtre. Le problème, c'est que tout ce qui est extérieur au plan planétaire, dans l'intelligence, c'est-à-dire que si nous voulons parler d'être intelligent ou d'être intellectuant, comme nous parlons d'OVNI ou d'être extraterrestre, qui viennent nous visiter. Si nous voulons parler d'être intelligent, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que dans notre galaxie, présentement, tous les systèmes sont en voie d'éloignement. Donc, notre création est en expansion. Et plus elle va s'expandre, plus elle va s'étendre dans l'espace et dans le temps, plus elle va limiter sa rapidité vibratoire. Donc, plus elle va perdre de la qualité de temps et de la qualité d'espace. Cela veut dire qu'elle va se densifier. La Terre est présentement le centre de notre univers. Il faut bien comprendre que le centre de l'univers n'a pas de coordonnées dans l'espace. Il n'est pas localisable. Il est à côté de votre oreille, à tous. C'est-à-dire qu'il est partout, pour la simple raison qu'il n'a pas de coordonnées. C'est un phénomène encore difficile à comprendre pour l'humain, parce que sur le plan terrestre, chaque chose est coordonnable, donc on peut les localiser par des coordonnées. On connaît les méridiens et les parallèles. Dans la création, il n'y en a pas. C'est un système de référence relatif, donc on peut localiser une étoile à partir d'une autre étoile. Mais on ne peut pas localiser les deux étoiles à partir d'elles-mêmes, de rien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la densité de notre planète Terre, notre système solaire, est dans une région les plus éloignées de cette création en expansion, et nous sommes dans ce qu'il y a de plus dense. C'est pourquoi la théologie parle de la chute de l'homme. fini capote l'homme, devenu bête, dans l'enfer. Il a été simplement densifié, pour des raisons qu'on a déjà vues, mais on va revenir au phénomène extraterrestre. Lorsque un véhicule ou lorsqu'un phénomène extraterrestre s'approche du plan terrestre, il voit sa vibration rabaissée. Alors, lorsqu'il voit sa vibration rabaissée, cela lui permet de densifier les véhicules qu'il a créés, et il apparaît. L'extraterrestre ou le véhicule extraterrestre ou le phénomène extraterrestre ne peut pas rester longtemps dans la, disons, dans l'atmosphère ou au contact de notre planète, pour la simple raison que la densité de sa propre nature descend au fur et à mesure que le temps s'écoule dans notre continuum terrestre. Cela veut dire que tous les phénomènes extraterrestres sont des phénomènes involutifs par rapport à l'évolution ascendante de l'homme. Cela veut dire que l'homme est présentement d'une vibration inférieure au phénomène extraterrestre, mais l'homme a une phase évolution, disons d'évolution, qui est ascendante. Cela veut dire que si l'humanité est inférieure au phénomène extraterrestre, l'humanité évolue d'une façon, disons, ascendante, et il gagne d'année en année, de décennie en décennie, de centenaire en centenaire, de millénaire en vibration. Tandis que le phénomène extraterrestre, dans le temps très différent de notre création, disons, de millénaire solaire en millénaire solaire, perd en vibration et lui a une évolution qui tend à l'amenuiser. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, si présentement l'humain est inférieur au phénomène extraterrestre, l'humain monte, tandis que le phénomène extraterrestre descend, et évidemment, à un moment donné, il se passera quelque chose de différent qui est difficilement supportable par la médiocrité de la conscience de l'homme d'aujourd'hui, mais qui devra de toute façon un jour être supporté. L'homme, ce n'est pas de la merde. L'homme, ce n'est pas un être déchu. L'homme, c'est quelque chose d'autre. On l'a instruit qu'il était déchu de façon à ce qu'il accepte le sort qui lui était réservé, c'est-à-dire le sort qu'il s'était lui-même donné lorsqu'il était conscient, celui de devenir terrestre, c'est-à-dire que l'être humain a déjà été ailleurs que sur notre Terre, parce que la Terre n'a pas toujours existé. Et lorsque l'être humain est arrivé sur le plan terrestre, à l'époque de la Lémurie ésotérique, relatée dans la Bible par la création de l'homme, donc à l'époque de la race adamique, lorsque le phénomène extraterrestre, qui, de mélange et de concert avec une race humaine, animale, a engendré des enfants, que nous connaissons avec au niveau de la Bible comme étant Abel et Caïn, des races complètes vont, disons, découler de cette création, et cela va engendrer un être humain qui aura de la conscience, qui aura un âme, qui aura de la possibilité d'un contact avec son esprit, mais qui sera confiné dans un monde terrestre parce que limité par un véhicule tout à fait matériel, le corps physique, ce que les extraterrestres n'ont pas. L'avantage que l'homme a eu d'être déchu, c'est-à-dire lorsqu'on a convaincu l'humain qu'il avait été déchu, on sait que c'est Lucifer qui, selon la théologie, a entraîné l'humain vers le bas. Lucifer qui veut dire porteur de lumière, cela veut simplement dire créateur, parce que Lucifer est effectivement le père créateur de l'humanité. Maintenant, Lucifer n'a pas été, disons, on parle dans la religion, dans la théologie catholique ou chrétienne, que Lucifer a désobéi à Dieu. On ne désobéit pas à une chose qui, à ce Dieu, disons, qui essaie de définir le potentiel de puissance complet de notre création. Lorsque Lucifer a fait ses conneries, c'est qu'il était manipulé par ses dieux ou qu'il simplement accomplissait ce qui devait être accompli. Lucifer a archétypé la conscience de notre planète pour induire les phénomènes religieux. On a eu par la suite d'autres phénomènes extraterrestres bien connus, les phénomènes jéhoviques, les phénomènes yaviques, les phénomènes melchisédiens. Toute une panoplie de personnages qui, à un moment donné, ont induit une conscience à l'échelle de certains humains de façon à permettre à l'humain de supporter sa présence sur le plan terrestre. Si l'être humain ne sait pas pourquoi il vit, il peut au moins s'en remettre à ses dieux. Ceux-là vont le protéger. De ces dieux, un dieu est apparu, un dieu, disons qu'on a encore quelques dieux, mais un dieu dans la conscience des individus, alors qu'il y a eu une époque où un individu pouvait considérer 15 ou 20 ou 30 ou même 2000 dieux comme les Gaulois. Lorsque l'humain évolue, l'humain accumule de l'énergie, il grandit sa conscience, il grimpe en conscience. Et lorsque l'humain arrive à un point tel de son évolution qu'il peut s'entre-déchirer, lorsque l'humain arrive à un point apocalyptique de son évolution, il dépend maintenant des énergies qui ont constitué l'homme et des énergies constituant l'homme de faire en sorte que la fin de ce cycle soit un apocalypse ou un apothéose. L'humain attend depuis longtemps que les extraterrestres viennent l'aider. Et il faut considérer que les extraterrestres attendent depuis longtemps que l'humain puisse l'aider. L'humain est médiocre. L'humain n'a pas de science extraordinaire. J'expliquais dernièrement que parce que, à un moment donné, on a le LEM qui atterrit sur la Lune, si on a un lunien qui rencontre le terrien, alors il va dire, merde, mais cet humain, cet astronaute doit être mauditement évolué pour arriver jusqu'ici avec un vaisseau spatial. Non, cet astronaute-là, quand il perd un chat, il pleure. Quand il neige dehors, il sac puis il bûche dans un mur. Quand sa télévision marche pas, ben il s'ennuie comme tout le monde. Ah oui, mais il y a un vaisseau spatial, il est sur ma planète. Oui, oui. La collectivité de la planète Terre est évoluée, mais les individus ne le sont pas plus qu'il faut. Alors, quand on rencontre un extraterrestre, ah mais il doit être. Non. Je répète ce que j'ai dit, c'est que pour comparer l'évolution d'un extraterrestre à un terrien, on doit prendre les deux bonhommes, les mettre tout nus, les mettre dans un problème pareil, par exemple, les mettre la nuit en dessous du pont Champlain puis les laisser là. Et on va observer de quelle façon les deux vont s'en sortir, et là, on aura une idée du degré d'évolution des deux. On ne peut pas considérer l'évolution d'un être à partir de sa technologie. Ah, évidemment, il va être tough, il va être bon, maudit. Et une fois qu'il a bousillé tout le monde après un an, je le mets tout nu, puis là, je le fous en Iran, et je regarde. On n'aura pas le même gars pantoute. Imaginez-vous Rambo à poil sans jamais de mitraillette. Ben là, on va avoir une idée de l'évolution du bonhomme. Tandis que l'évolution du bonhomme, c'est une évolution collective militaire qui fait que le bonhomme, il est tough tant qu'il est organisé par la matière. Mais son évolution à lui, qu'est-ce que c'est? Sa vitesse, sa rapidité à ouvrir le feu? Non. Est-ce qu'il s'ennuie et souffre-t-il de l'ennui? A-t-il peur de l'inconnu? A-t-il peur du vide et en souffre-t-il? Souffre-t-il lorsqu'il perd des êtres qu'il apparemment aimait? Pourquoi veut-il se venger? On appelle ça de l'évolution. L'évolution de l'homme ou l'évolution d'un être extraterrestre ne peut pas être comparée à sa technologie. Surtout que la construction technologique d'un phénomène extraterrestre est drôlement plus facile que celle de la Terre, où nous devons partir de minéraux, de minerais, de cochonneries pour arriver à, disons, spiritualiser la matière, comme disait l'alchimie, c'est-à-dire pour intelligencer les choses, de façon à pouvoir vous habiller, à pouvoir vous asseoir, à pouvoir vous véhiculer. Nommez-moi un homme sur la planète qui est capable d'aller en plein désert ou en pleine Afrique, creuser, et après 10 ans, avoir un véhicule automobile ou un avion. N'est pas. C'est la conscience collective de notre planète qui permet la création de ces choses. Pas l'individu. Le mécanicien ne sait pas comment raffiner du métal. Alors, on a donc un pouvoir collectif qui nous fait dire que l'homme est intelligent et on compare notre intelligence au phénomène extraterrestre en disant qu'ils le sont eux aussi. Les extraterrestres sont dans un univers qui est en expansion comme l'humain. Il y a de cela quelques 20 milliards d'années, un phénomène énergétique a accepté, parce qu'il en comprenait les conséquences, de devenir une planète extrêmement densifiée, et de cette planète a germé l'évolution de ses énergies pour créer à un moment donné les acides aminés, pour créer à un moment donné certains êtres, pour continuer à créer de la vie, jusqu'à temps qu'on ait un véhicule, un potentiel réceptif d'intelligence, un humain. À un moment donné, une autre vague de ce même phénomène extraterrestre énergétique, parce que Dieu est extraterrestre, bon, est arrivée sur le plan planétaire et a accepté, mais cela s'est fait d'une façon originale, de se mêler génétiquement à l'humain, et cela a créé l'être humain. De l'être humain, nous dirigeons maintenant vers l'être, vers l'homme nouveau, vers l'être nouveau, vers la femme nouvelle, vers l'enfant nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'homme nouveau? C'est un être qui a une conscience extraterrestre. Cela veut dire, non pas un être qui a un contact avec un bonhomme ou une bonne femme extraterrestre. Chaque fois que l'homme nouveau est pogné, ben là, il pitonne son téléx, puis là, il demande à l'extraterrestre, qu'est-ce que je dois faire? Je suis constipé depuis 2 jours. Ben, l'extraterrestre lui dit, ben, fais ceci, fais cela, prends les pilules du docteur machin. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme celui qui dit, je suis en contact avec mon esprit. Pauvre con. Un jour, tu seras ton esprit, mais tu seras pas en contact avec ton esprit. Si t'es en contact avec ton esprit, t'es en contact avec quelque chose du monde de la mort ou du monde du domaine de l'extraterrestrialité qui te fait croire des choses. Et tu te fais pogner carrément, tu te fais manipuler. Ça peut être bon pendant un laps de temps, puis à un moment donné, tu te pousses à te même. Évidemment, ça frustre énormément de gens parce que les gens sont vifs dans un snobisme de l'évolution. Moi, je suis contacté. La majorité des contacts sont des choses dangereuses et des choses aberrées. Ah, la personne, elle est frustrée ben raide. Bon, alors c'est pas parce qu'elle a un contact avec Machin Chouette qu'elle est plus évoluée. Tu lui dis que Machin Chouette est à l'autre toilette hier, puis elle est frustrée ben raide. Alors évidemment, il n'y a pas plus d'évolution, ça par rapport au contact. Les extraterrestres vivent donc une évolution similaire à celle de l'humain. Sauf que l'humain a quelques 20 milliards d'années d'avance. Donc, le phénomène extraterrestre est un phénomène qui lentement baisse en vibration et nous voyons notre science de technologie avancer, tandis que eux voient leur technologie baisser. Exactement comme si un jour le jeune commence à devenir vieux. Il pouvait sauter, il saute un peu moins haut. Il pouvait courir, il court un peu moins vite et un peu moins longtemps. Il pouvait se plier, il se plie un peu moins et il se rend bien compte qu'à un moment donné, il pourra plus bouger. Alors, il lui reste une solution, trouver un véhicule ascendant pour pouvoir se connecter avec, de façon à maintenant s'allier à lui pour que l'involution ou le vieillissement de cette personne puisse stopper pour que maintenant le processus inverse commence et l'humanité, l'homme, est la condition exclusive de salut pour le phénomène intelligent en phase d'involution. Il n'y a que l'homme. Et ce qui est extrêmement intéressant et qui est peut-être un peu compliqué à absorber pour la majorité lorsque c'est un peu nouveau ces choses, c'est qu'il y a une seule planète Terre qui vit cette condition dans toute la création. Il n'y a pas 8 ou 900 000 planètes Terre qui vivent cette condition d'ascendance. Il y en a une. Les autres vivent des conditions stagnantes ou involutives. Et ce n'est pas parce qu'ils partent de plus haut qu'ils sont meilleurs. Il n'y a pas cosmiquement de meilleurs. Il y a cosmiquement un écosystème. Il y a des choses qui descendent, des choses qui montent. Et l'homme est descendu pour remonter de façon à devenir le support des phénomènes extraterrestres. Disons théologiquement que l'homme est en train d'évoluer pour devenir le support de Dieu. Nous savons tous que la théologie dit que Dieu a besoin de l'homme, enfin que Dieu aime l'homme, que Dieu est attiré par l'homme, que Dieu doit pardonner à l'homme, que Dieu fait ceci, que Dieu fait cela. Et on sait tous que Dieu ne peut pas intervenir dans le monde de l'homme. Il ne peut pas intervenir parce qu'à chaque fois que Dieu ou qu'une énergie divine descend au niveau de l'homme, elle devient un homme. Et lorsqu'elle devient un homme, elle pense comme un homme, alors elle ne voit plus clair. L'évolution de l'homme lui permet à un moment donné d'avoir une conscience vibratoire suffisamment avancée pour être capable soudainement d'avoir une conscience planétaire, de comprendre un peu plus les mécanismes grandioses de l'évolution écologique de notre planète, de devenir un planétologue. À un moment donné, la conscience grandit encore un peu plus puis on commence à envisager les distances solaires comme étant, on peut les comprendre. On commence à comprendre un peu plus le phénomène de l'atome. Vous écoutez la télévision, vous savez au moins tout ce qu'est qu'un atome. Vous savez des choses que avant la collectivité ne savait pas, même si on l'enseignait. Ça ne rentrait pas dans la conscience de l'homme. L'humanité évolue. Il y a une conscience expansive. Sa conscience est de plus en plus grande. On est de plus en plus pacifique. Pourquoi? Parce qu'on comprend de plus en plus les conséquences d'une inharmonie écologique. Plus l'humain grandit en conscience, plus il devient un potentiel sécurisant pour les phénomènes intelligents qui, eux, baissent. L'homme est coupé en mémoire de sa provenance. L'homme est toujours en contact avec cette provenance, ce que la théologie appelle l'esprit. Sauf que l'humain n'ayant pas la faculté d'expérimenter le contact avec l'esprit par le biais de son âme, donc par le biais de sa mémoire, ne peut pas se rappeler qu'il a eu le contact. C'est exactement comme si vous regardez quelque chose, puis au fur et à mesure que vous le regardez, vous oubliez que vous l'avez vu. Alors, vous ne le voyez pas. Et si vous vous tournez, vous ne l'avez pas vu. Vous voyez, quand vous êtes dans la lune, vous regardez, vous pensez à d'autres choses, les yeux sont ouverts, vous ne voyez rien. Pourquoi? Ben oui, vous voyez. Les yeux transcrivent au cerveau ce qui est perçu. Sauf que ce n'est pas mémorisé. Alors, vous ne voyez pas. Le contact avec l'esprit, il est exactement comme ça. On est en contact, on ne le voit pas. Et à un moment donné, ce contact laisse une trace dans la mémoire. On appelle ça le flash, l'illumination, on appelle ça quelque chose comme ça. J'appelle ça, moi, le savoir instantané. Et plus l'humain a une conscience expansive, plus il entre en contact avec ce savoir instantané qui est son esprit. Et l'esprit n'est pas de l'ordre de la Terre, donc l'esprit est un phénomène extraterrestre. Je vais te poser une question, je suis sûr que tu en as une. Belle affaire. Me planter comme ça. Je t'ai réveillé? Pas du tout. Je trouvais ça très, très intéressant. Ah, remarque, je peux continuer. J'ai quand même quelques questions. La semaine passée, tu parlais de phénomènes, justement, d'extraterrestres qui venaient sur ce plan-ci. Et puis, ce phénomène se répétait de moins en moins. Mm-hmm. Il y avait une raison. Bon. Est-ce que tu pourrais en reparler? Dans l'Antiquité, la planète Terre avait une consistance, disons, vibratoire plus grande que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, au cours des quelques milliers d'années qu'on a vues, disons, depuis l'apparition de l'homme, quoique l'homme date de quelques millions d'années, la Terre a continué à se refroidir. Donc, le contexte vibratoire de la planète Terre a continué à se densifier. Ce qui fait qu'à l'époque, lorsqu'une apparition extraterrestre se faisait, qu'elle pouvait porter le nom théologique d'archange, d'ange, et ou de Melchisédek, et ce genre de choses, lorsque ceux-ci arrivaient, ils avaient la possibilité, étant donné que la Terre n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui, de pouvoir premièrement rester plus longtemps et de pouvoir entrer en contact facilement avec l'humain. La Terre s'en va vers ce Kali Yuga, donc vers l'âge de fer de l'âge de fer, ce qui, disons, dans la langue nostradamienne, porte le thème d'Apocalypse. D'ailleurs, Saint Jean de Patmos aussi en parle. Et on va vers une phase extrêmement dense où, à un moment donné, tout va éclater pour qu'on reparte vers une ascension plus réelle au niveau de la conscience de l'homme, c'est-à-dire donc à partir d'un contact avec l'esprit, le savoir instantané. Mais est-ce que ce contact, justement, avec l'esprit, le fait que on parle aussi de renverser ou d'arrêter le mouvement de régression de la Terre, puis de refaire vibrer la Terre un peu plus... Est-ce que ça veut dire qu'en même temps, ces deux phénomènes-là vont arriver? Bon, premièrement, il faut comprendre que dans le temps humain, le temps humain n'a pas la même, disons, consistance que le temps solaire ou que le temps cosmique. Présentement, notre Soleil vient de passer la moitié, disons, de sa vie d'adulte. Et notre Soleil est maintenant en train, lentement, évidemment, c'est très lentement, ça va encore prendre quelques milliards d'années, il est en train, lentement, de se réchauffer. La partie solaire se réchauffant va lentement entraîner une augmentation vibratoire au niveau des planètes qui sont autour de lui-même, au niveau de notre planète Terre, par exemple, qui a commencé à se réchauffer. On parle d'un air glaciaire, mais l'air glaciaire apparaît toujours lorsque la planète se réchauffe. Les glaces ne descendent pas parce que si ça gèle, les glaces restent où elles sont. On a eu dans l'Antiquité des aires glaciaires, et c'était bien évident que lorsque la glace descend, elle absorbe la chaleur de la région où elle va, mais la Terre, elle est plus chaude. Même si les endroits où les glaciers ont descendu, parce que le glacier, ce n'est pas la création de glace un sur l'autre. Le glacier descend. On connaît toutes les traces de moraine laissées sur le bouclier canadien, et même au Québec, jusque dans l'État de New York, où on a justement un raclement total des glaciers. Alors, les glaciers, ça gèle un pôle et ça fond, donc ça descend. La planète Terre va lentement recommencer à se réchauffer. Maintenant, vu qu'il y a aussi un début de rotation de l'axe de notre planète qui est commencé depuis quelques années, depuis 72, alors évidemment, l'époque glaciaire ne se passera pas, enfin, comme on l'a connu jusqu'à date. Alors, il y a plusieurs choses, donc, qui, justement, présentement, sont en train de donner scientifiquement la preuve que notre Terre s'en va vers une phase nouvelle de réchauffement. Maintenant, le réchauffement, il va être de différents ordres. Le réchauffement ne sera pas nécessairement calorifique. Il va évidemment à être calorifique quelque peu, mais il sera surtout au niveau de la vibration. C'est-à-dire que, j'ai déjà parlé que sur l'Atlantide, étant donné le degré vibratoire de certaines choses, le plomb à l'époque vibrait selon un rythme particulier et on avait des mines de plomb. Le plomb portait un nom différent du nom d'aujourd'hui, c'était auricalque, et on pouvait donc extraire l'auricalque qui ressemblait un peu à l'or, mais qui était extrêmement léger à l'époque, de par sa consonance vibratoire. Aujourd'hui, on n'en trouve plus sur la planète pour la simple raison que les mines d'auricalque sont maintenant, c'est des mines de d'autres choses. C'est un mélange de plomb avec d'autres choses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la transformation matérielle présentement est en train de refaire un bond en avant. Il y aura un réchauffement calorifique. On connaît aussi les perturbations atmosphériques que nous vivons. Et plus cela va aller, mais il y aura aussi une accentuation mécanique à un moment donné par certains produits de l'humanité. On appelle ça des guerres, des bombes nucléaires, des choses comme ça. Ça va aider un peu à réchauffer la planète. Mais disons qu'il y a il y a une accélération du réchauffement de la Terre qui va surtout se faire à partir de 1999, où là, disons, c'est un peu plus conscientisable par l'humain. Alors, dans l'Antiquité, il y avait beaucoup d'apparitions pour la simple raison que le contexte de densification de la Terre le permettait. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et il y a autre chose que j'ai expliqué, mais je veux revenir dessus pour les gens qui n'étaient pas là. C'est que chaque fois qu'un phénomène extraterrestre rentre dans le contexte de notre planète, s'il y reste un peu trop longtemps, il est suffisamment densifié qu'il finit par être assujetti à l'astral de notre planète, donc au ciel de notre planète. Cela veut dire qu'il devient égoïque, comme l'humain. Cela veut dire qu'il va donc sentir de l'orgueil, il va sentir sa puissance par rapport à l'humain, et c'est ce genre de contacts qui vont missionner les humains ou qui vont enlever des humains, des vaches, des chiens, etc. Bon. Maintenant, pour compenser par rapport à certains mécanismes d'écologie, c'est-à-dire que là, l'équilibre reste s'il y a toujours autant d'un bord que de l'autre, hein? Alors, pour compenser, il y a le même phénomène extraterrestre qui va contacter des humains, mais le contact intelligent, donc un contact qui n'a pas été astralisé par le contexte de notre planète, un contact qui n'est pas orgueilleux, par exemple, un contact qui n'est pas dangereux, est toujours un contact qui va se faire par le biais d'un savoir instantané chez l'homme. Si tu rencontres un extraterrestre qui dit des choses, ou si tu rencontres quelqu'un qui a rencontré un extraterrestre, ou quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui a rencontré un extraterrestre, ben, c'est préférable de comprendre que ce pauvre gars-là, il s'est fait avoir. L'extraterrestre peut exister, le vaisseau peut exister, mais je répète que c'est un terrestre extra qui doit rencontrer ces extraterrestres-là pour les mettre à genoux puis leur expliquer qu'est-ce qu'ils font là puis qu'est-ce qu'ils devraient pas faire là. Mais on ne doit pas envoyer, évidemment, les extraterrestres qui rencontrent ces types, rencontrent toujours du monde prêt à les recevoir. Hein, ça va de soi, parce que sinon, ça marchera pas. Bon. Alors, le contact extraterrestre, disons d'une façon où le contact est spritique, parce que l'esprit est toujours du domaine extraterrestre, lorsqu'aujourd'hui ça se fait, ça ne se fait plus par l'apparition de véhicules comme on les connaissait. Il y a toujours cette apparition qui est un phénomène évolutif, mais ça se fait comme j'expliquais, à un moment donné, il y a un bonhomme, un psychiatre qui a commencé à écrire un livre, puis il a écrit la cosmogonie d'Urantia. Bon, lui était en contact avec un esprit, donc avec son esprit, et donc un contact extraterrestre. Lui ne le savait pas parce qu'il n'avait pas un corps suffisamment puissant, donc un système neuronique suffisamment solide et un ego suffisamment, disons, instruit pour pouvoir supporter ce contact. Alors donc, il a écrit ce livre. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'humains et on a de plus en plus d'enfants qui, justement, sont en contact avec quelque chose de neuf qui leur permet, à l'âge de 4-5 ans, de faire peur aux adultes, de manipuler les autres, d'être un peu plus maître chez eux, parce qu'ils sont en contact avec quelque chose d'autre qui est leur esprit, donc un phénomène extraterrestre, mais qui ne passe pas par l'absurdité, disons, ovnique, mais qui passe par l'intelligence d'un contact entre l'esprit de l'homme, c'est-à-dire entre l'homme et son mental, donc entre l'intelligence de l'homme, qui est extraterrestre, l'esprit, et l'intellectuance de l'homme qui, elle, est terrestre. Et c'est donc de cette façon que le contact extraterrestre se fait. Mais on ne doit plus penser que c'est des contingents militaires extraterrestres qui vont venir ou que c'est des contingents corporels qui vont venir aider l'homme. Il y aura des contingents corporels à un moment donné et ceux-là entreront en guerre avec les forces navales, les forces aériennes américaines et d'autres pays pour la simple raison que lorsque ces choses viennent dans un contexte matériel, elles sont soumises et assujetties à la chute de l'homme, comme Lucifer et tous les hommes sur la planète l'ont été. Donc, automatiquement, elles deviennent tributaires du monde de la mort, donc du ciel. Et automatiquement, elles deviennent tributaires de l'âme de l'homme. Et automatiquement, elles deviennent tributaires de l'émotion de l'homme. Et automatiquement, elles deviennent comme l'humain l'est. Lorsque tu as de la puissance et que tu deviens un humain, cette puissance se transfère en pouvoir. Et lorsque tu as du pouvoir, ben, faut que les autres le sachent. Donc, tu dois l'assimiler. Mais pour eux autres, c'est pas justement une espèce de cheval de Troie de venir ici, finalement. S'ils involuent pour arrêter d'involuer, ils sont aussi bien de se sacrer dans la merde jusqu'au cou. Puis de cette façon, au point de vue vibratoire, ils se trouvent à revirer carrément de bord. Puis bon, de... ce que tu dis là est un point cosmiquement réel, c'est-à-dire que même les extraterrestres qui se ramassent trop bas puis qui, à un moment donné, finissent par devenir de la glaise, ben ceux-là avec, de toute façon, repartent au niveau de l'évolution parce qu'évidemment, il y a rien dans l'univers, même il n'y aura pas un électron qui va être oublié. Ça va de soi. C'est un phénomène mécanique qui est écologique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je dis que l'humain, à un moment donné, rentre en contact avec un phénomène extraterrestre, mais par le biais de sa tête, ça ne parle pas dans sa tête en lui disant « Hey, Coco, faudrait que tu sortes aujourd'hui, fais de l'exercice. » Ça n'a rien à voir. Ça, c'est notre disciplineur qui vient du monde astral. Lorsque l'humain entre en contact avec un phénomène extraterrestre, premièrement, il est lui. Bon, le phénomène... Il est aussi extrêmement compliqué à comprendre. D'ailleurs, aussi compliqué à comprendre que ce que je vais vous dire. Sauf que ce que je vais vous dire, vous l'avez expérimenté, donc vous pouvez pas le nier. Mais vous pourrez sans doute pas le comprendre. Et j'en ai déjà parlé un peu. Vous avez tous un certain âge aujourd'hui. Et il y a eu, v'là 10 ans, ou encore, il y a eu un temps où vous aviez tous 12 ans. Mais à un moment donné, la personne de 12 ans, elle a dû laisser sa place à la personne de 13 ans. Donc, la personne de 12 ans, elle a été tuée pour que quelque chose de 13 ans vienne habiter dedans. Et plus cela se fait, plus à chaque année, et même pour dire à chaque mois, et pour dire à chaque semaine, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque millième de seconde, il y a vous qui êtes démoli pour qu'un nouveau vous reste. Alors aujourd'hui, vous avez votre âge, et vous pouvez dire, ben oui, quoi, c'est moi, j'ai déjà eu 12 ans. Il est où? Celui qui a 12 ans avait une forme d'émotion, une forme de pensée, une gaieté de vie, des désirs particuliers. Enfin, bref, vous avez plus rien, mais absolument, vous avez rien de ces personnages de 12 ans. Et ces enfants de 12 ans ont effectivement été, dans un terme violent pour l'ego, tués par l'humain qui continue à grimper dessus. Et l'humain qui continue à grimper dessus, c'est quoi? C'est simplement que ta conscience grandit, ton corps physique grandit, et cela donne, à un moment donné, la possibilité de percevoir des énergies de façon différente. Ça va nourrir ton âme, qui est le phénomène astral relié au monde de la mort de notre planète Terre, parce que c'est l'âme qui empêche l'humain, justement, de s'échapper du contexte évolutif de notre Terre. L'homme nouveau, à un moment donné, n'aura plus d'âme, c'est-à-dire qu'il aura une âme tout à fait pure, il n'y aura plus d'ego dedans, il n'y aura plus donc d'orgueil d'exprimer, puis évidemment, il n'y aura plus de ce problème du monde de la mort. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'humain évolue en vieillissant ce que vous avez fait, ben, à un moment donné, moi, je suis différent. Ben, alors, où est-ce qu'il est, le gars qui était moi? Ben, voilà, j'ai une autre forme de conscience chez moi. J'ai une connaissance nouvelle, j'ai un savoir nouveau, j'ai une expérience nouvelle, je suis différent. Le contact avec le phénomène extraterrestre, c'est la même chose. À un moment donné, tu te réveilles pas avec des gros gants pointus dans ton lit. Tu sais, pour chauffer ton vaisseau spatial ou tirer ton laser. Et là, j'ai un contact, ça marche pas comme ça. À un moment donné, vous restez tout à fait des humains et soudainement, vous voyez des choses puis vous commencez à les comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez une vue plus globale. Soudainement, tu vas assister à quelque chose et tu n'en souffres plus. Mais tu restes toi. Mais tu es changé. Et tu continues à vivre humain. Puis à un moment donné, tu comprends de plus en plus de choses. Et c'est ce que j'appelle la mutation de l'humanité vers l'homme nouveau. Alors, c'est pas un contact où, justement, où on te réveille, où on frappe à ta porte ou des choses comme ça. Ça a tout un rapport avec le monde astral, donc le monde des morts, le phénomène des fantômes, le phénomène des, non pas des esprits, mais des entités du monde de la mort, sur lequel on a déjà parlé et sur lequel on va revenir de façon la semaine prochaine avec Satan dévoilé. Parce que le phénomène satanique est un phénomène intéressant. Si Lucifer est extraterrestre, Satan est tout à fait terrien. Et ça fait belle lurette que la religion catholique, qui a d'ailleurs été l'une des plus en affinité avec ce savoir de Satan, c'est-à-dire que la religion catholique a été l'une des grandes à lutter contre Satan, beaucoup plus que toutes les autres formes de religion. Et depuis, à un moment donné, il y a eu une époque, paf, où toute la chrétienté a décidé de laisser libre Satan. Alors, ce qui fait qu'on en a plus parlé, on a plus enseigné, on n'a plus parlé de ses tentations, on ne veut plus exorciser les possédés, les prêtres ont même peur de parler de l'exorcisme ou de la possession, et il y a plusieurs choses. Et puis, à un moment donné, ben effectivement, Satan ne doit plus être limité par la chrétienté, parce que c'était le rôle de la chrétienté, de limiter cette énergie qui vient du monde de la mort, qui est créée par les humains qui ont vécu. La chrétienté, et ça depuis quelques, disons, 100 ans, elle n'a plus ce rôle de retenir Satan. Donc, Satan est libéré, et c'est maintenant chacun des humains qui doit un jour devoir assumer sa maîtrise de ce phénomène. Le Nazaréen, à un moment donné, a rencontré Satan dans le désert. C'était une chose comme il n'a pas rencontré Lucifer. Et chaque être humain un jour devra, à un moment donné, traverser cette phase, et ça, on va revenir là-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre, pour l'instant, c'est que l'humain est dans une phase d'évolution ascendante, tout ce qui provient de l'extraterrestrialité est dans une phase d'évolution descendante, et c'est pourquoi ceux qui apparemment sont en haut ont un intérêt si grand envers l'humain, simplement parce que l'humain, c'est le salut. Et évidemment, l'homme a été archétypé, c'est-à-dire que l'homme, fondamentalement, sait très bien que ce qui est en haut, c'est le salut. Ben, justement, faudra que ça fasse ça, faudra pas que ça fasse ça. Alors, ça va se relier l'un l'autre parce que ce sont les mêmes phénomènes, même si l'humain s'identifie à son corps physique. Quand tu prends de l'eau, c'est de l'eau, c'est pas moi, l'eau. Quand tu l'as bu, l'eau, ben, 75% de ton corps est constitué d'eau. Alors, l'eau que t'as bu, maintenant, est-ce que c'est toi? Ben, c'était pas toi. Puis quand tu vas aux toilettes, ben l'eau qui sort, c'est-tu toi qui sors ou c'est plutôt qui sort? Hein? Bon. Alors, quand tu manges la pomme, c'est pas toi la pomme. Tu t'identifies pas dans la pomme. Tu dis pas « gars, comment je suis beau ». Mais quand tu l'as mangé, tu dis « gars, comment je suis beau ». Puis quand tu l'as envoyé aux toilettes, ben tu dis pas « gars, comment je suis beau ». C'est pas? Mais c'est le même phénomène. C'est que l'être humain s'identifie à une forme, mais la forme, elle change au fur et à mesure que l'on mange, que l'on se blesse, que tout marche. Mais l'homme garde cette conscience archétypée limitée dans un véhicule parce que présentement, c'est important qu'il le garde de façon à pouvoir accepter son rôle de terrien. Mais évidemment, il devra expandre sa conscience pour, à un moment donné, arriver à ce contact avec les extraterrestres. Et les extraterrestres, c'est un terme tout à fait humain, mais il n'y a pas les extraterrestres, mais il y a le phénomène extraterrestre. On peut appeler ça Dieu, mais il y a tellement de dieux. Il y a des dieux créés par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme qui font partie du monde de la mort. Il y a des dieux, il y a disons une forme, le mot Dieu peut aussi définir ce qui à un moment donné a engendré la création. Mais encore là, on mélange Dieu avec toutes les autres panoplies de dieux. Enfin, il y a tellement de choses. Alors j'aime autant parler, donc pas prendre le terme Dieu, mais parler de quelque chose d'autre, l'esprit. Sur le plan cosmique, finalement, l'homme a déjà été un extraterrestre. C'est un ex-extraterrestre qui a subi son évolution jusqu'à une densification maximum, puis que là, il repart, il se réactive. Oui, et il faut comprendre que l'humain n'est pas un terrien. C'est-à-dire que l'humain est un terrien par rapport au reste de notre univers. Mais comme l'humain, à un moment donné, va faire partie de cet univers, il ne pourra plus être un terrien. Moi, je suis un Canadien parce que je ne suis pas américain. Mais à un moment donné, quand t'es citoyen de la planète, que les autres mecs mettent des frontières ou non, ben, tu peux pas dire « je suis Canadien », je suis terrien. C'est déjà mieux. Ça, c'est la conscience, disons, planétaire de l'homme. Je suis au moins terrien. Puis à un moment donné, ben, je me fous. Ça sert à rien que je me limite dans un nom. Je suis. C'est ce qu'on appelle avoir une conscience planétaire. La conscience planétaire, c'est le terrien. Puis à un moment donné, quand tu as une conscience cosmique, ben, tu es. Tu ne peux plus réellement. Oh, évidemment, certaines personnes peuvent intellectuellement apprendre à dire, moi, je suis terrien ou je suis. Mais dans le phénomène le phénomène de devenir homme nouveau, on devient aussi cosmique. C'est comique, mais c'est comme ça. Effectivement. On devient cosmique. Premièrement, on fait plus de farces. Deuxièmement, on a une conscience plus étendue. Troisièmement, on ne peut plus souffrir comme l'humain souffre pour la simple raison que l'humain souffre parce qu'il ne voit pas les choses. Parce qu'on n'a pas le choix. J'ai expliqué, à un moment donné, l'idée, le petit oiseau qui tombe à bout du nid, là, puis la vache qui passait, là, puis qui chiait dessus, là, puis le loup qui venait, qui bouffait, j'ai expliqué. Bon, alors je vais réexpliquer encore pour faire comprendre cette idée de la limitation de la conscience de l'homme. Alors, c'était un petit oiseau qui est tombé en bas de son nid l'hiver, il tombe dans la neige, et puis là, il se met à geler lentement, puis là, il y a une grosse vache qui passe par là, puis là, elle lève la queue, puis flouf, sur l'oiseau. Et puis là, le petit oisillon, ben là, il est dans merde jusqu'au cou. Et puis là, il se brasse là-dedans, puis à un moment donné, il y a un loup qui approche, qui sort l'oiseau, qui secoue toute la merde qui est après, puis qui le bouffe. Alors, la morale, simplement, c'est que ceux qui te mettent dans merde le font pas toujours pour ton mal, parce que la merde était chaude, ça a sauvé l'oiseau, et ceux qui t'en sortent le font pas toujours pour ton bien. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça c'est un fait, c'est que l'oisillon dans la merde, voyant juste ce qui se passe, ben, il souffre. Mais ici, il aurait une vue cosmique de ce qui se passe. Il serait bien là, maudit. Il espérerait même que le loup, avec l'odeur de la merde, toucherait pas l'oiseau. Mais comme l'être humain est toujours dans, il voit que son petit monde très limité à lui, alors il va dire, merde, merde, c'est une crevaison, et maudit! Oui, si t'as une conscience cosmique, t'as une crevaison, une maudite chance, parce que là-bas, il y a un accident, ça vient juste de sauter, là, un vol de banque, il y a des balles qui partent par là, puis si t'aurais pas eu ta crevaison, t'aurais passé là. Mais là, vu que tu vois rien, tu vois que ça, tu chiales, tu cries, tu y vas comme tu veux. Quasiment tous les problèmes de l'homme n'existent pas. C'est l'homme qui voit une chose dans une conscience très limitée, puis là, qui gueule. Mais s'il verrait réellement, disons planétairement, ou du moins d'une façon localisée plus grande, ce qui est tout l'ensemble dans lequel s'inclut son événement, on peut-être qu'il se félicite très souvent de ceci et de cela. Mais l'humain gueule toujours. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis des phénomènes qui pourraient nous arriver de rencontrer un extraterrestre? Bon, mais premièrement, si on rencontre un extraterrestre, je l'ai déjà expliqué aussi, on attend qu'il vienne vers nous. Et puis après ça, on attend qu'il lève la main pour nous la serrer, parce qu'on ne lui présente pas un autre avant. C'est à lui de le faire, parce que lui, il est plus... on est meilleur que lui, donc c'est à lui de le faire. Et puis, parce que l'humain se met à genoux tout de suite. Et puis, on doit attendre. S'il se met à genoux, on le relève, mais on n'attend pas qu'on se mette pas à genoux devant. Si l'extraterrestre veut nous missionner... On lui dit bye-bye, on signe pas de contrat avec, puis on l'envoie voir un autre, un journaliste entre autres, les journalistes sont friands des missions extraterrestres. Et puis, non. Tu n'as vraiment pas rien à foutre avec un contact, de troisième ou quatrième type extraterrestre. C'est très plaisant pour l'ego. L'humain se croit, se choisit entre 4 800 000 000 d'humains. C'est un fait. On choisit toujours des cons. L'humain choisi à travers le 4 800 000 000 d'humains. Bon, alors il est tout fier d'avoir été choisi. C'est pas sa sœur, c'est pas son frère, c'est pas son boss, c'est pas son voisin, c'est pas son prof, c'est lui. Je sais pas moi comment que le rat de laboratoire se sent quand on le prend et qu'on dit « c'est toi ». Cette confusion-là vient justement qu'on donne tellement d'importance à toute la technologie que... On ne donne pas d'importance à la technologie. Ce problème vient du fait qu'on donne tellement d'importance à la médiocrité de l'homme qu'en fin de compte, tout ce qui arrive à l'extérieur de l'humain, ben, c'est tout mauditement mieux que nous autres. C'est ça qui est le problème. T'sais, quand les premières fois les météorites traversaient, tout le monde faisait des vœux, tout le monde se mettait à prier. C'était de la roche qui tombait puis qui allait écraser tout le monde ailleurs. Bon, tout le monde priait. Ah oui, c'est pas humain. Alors, c'est meilleur. On est tellement, tellement, tellement attaché à la médiocrité de la race humaine que tout ce qui y apparaît, ben, c'est meilleur que nous autres. Tu sais, on regarde simplement une petite plante qui pousse, là, puis qui grimpe, puis qui... Hey, c'est génial. Mais sacrebleu, prendre du minerai puis en faire une navette spatiale, c'est aussi génial. C'est pas parce qu'on comprend pas ce mécanisme-là que l'autre ne l'est pas génial. Alors, on va faire une petite pause. Si vous avez des questions, vous les posez. Je crois que Mario a du commentaire à faire. Et aussi, si vous avez... Donc, si vous avez des questions pour la deuxième partie, vous pouvez tout attendre dans la table. Et je vous rappelle un spécial de cassette pour le troisième anniversaire du centre, c'est-à-dire pour une sélection de cassettes de Daniel de Raphaël Fayol de Saint-Ibouzia sur la table à tous à 4,50 $. Le prochain séminaire sur l'homme nouveau donné par Daniel aura lieu le 21 et le 22 février ici. Si vous avez d'autres questions, mettez à votre disposition.